que je vois, moi, dans ce type d'initiative, c'est qu'on regarde les caractères. Nous produisons collectivement plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an. Si nous continuons sur cette lancée, ça devrait être 3,5 millions d'ici 2050. Face à cette augmentation et face à l'urgence écologique, il ne semble plus possible de poursuivre sur la logique de la fin du siècle dernier, extraire, fabriquer, jeter. Mais au contraire, il est de plus en plus urgent de passer à une logique que l'on pourrait intituler « recycler, valoriser, réemployer ». Or aujourd'hui, les logiques de recyclage, si elles augmentent et se généralisent, peinent encore à être parfaitement efficaces. Quelles sont les nouvelles tendances? Comment exploiter au maximum les MPR, les matières premières recyclées? Recyclage, on prend les mêmes et on recommence. C'est le programme réutilisable qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment mieux recycler, réemployer, transformer ce que recouvrent tous ces termes et comment pousser ces logiques le plus loin possible, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Kako Naïtaline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur matériaux et docteur en chimie des matériaux polymères et nous sommes en ligne avec Xavier Pi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-chercheur au laboratoire Procédés, matériaux et énergie solaire à Perpignan et actuellement chercheur au laboratoire de thermique et énergie à Nantes. Mais on commence par celui qui ne recycle jamais son actualité scientifique, garantie 100% fraîchée du matin pêché. C'est Antoine Beauchamp pour Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et pour ouvrir ce journal, le CNRS vient de lancer un programme de recherche dédié au stockage de données sur de l'ADN synthétique. Oui, la quantité de données numériques produites par l'humanité pose de plus en plus de problèmes, que ce soit du point de vue de l'obsolescence des outils de stockage ou encore de l'énergie dépensée pour alimenter les centres de données. Dans ce contexte, l'ADN synthétique fait office depuis des années d'espoir majeur pour stocker ces données de façon plus durable. Alors schématiquement, il s'agit d'encoder des données binaires numériques sur des brins d'ADN synthétique à 4 bases, et de les décoder grâce aux technologies de séquençage. La preuve de concept a beau être réalisée depuis des années, plusieurs obstacles restent à franchir pour généraliser cette pratique, et c'est donc dans ce contexte que le CNRS vient de lancer le programme de recherche Molecule Archive, doté d'un budget de 20 millions d'euros. Ce sont 20 laboratoires qui vont être mobilisés pour parvenir à résoudre ces problèmes et généraliser peut-être un jour la pratique du stockage sur ADN synthétique. Marc Antonini est directeur de recherche CNRS au laboratoire I3S de Sophia Antipolis et il est le directeur du programme Molecule Archive. Les objectifs, c'est donc de fédérer cette recherche française pour arriver à construire une chaîne de stockage de bout en bout, avec les objectifs principaux qui sont d'accélérer les chimies de synthèse. Aujourd'hui, le stockage sur ADN fait face à un problème qui est un problème de temps de traitement, puisque la synthèse est assez longue. Et donc si on veut pouvoir absorber la croissance de données archivées sur la planète d'ici les décennies qui viennent, eh bien il va falloir accélérer en fait ces chimies de synthèse pour écrire la donnée donc plus rapidement. Donc là, un des premiers objectifs, ou un des objectifs principaux, je dirais, de Molecule Archive, c'est justement de développer ces chimies de synthèse. Et en contrepartie, ces chimies évoluant, eh bien, il va falloir aussi en parallèle donc travailler sur les façons d'encoder la donnée, de façon de la convertir du binaire au quaternaire, parce qu'il va falloir respecter certaines contraintes qui vont être imposées par les chimies de synthèse. En parallèle de tout ça, on parle de séquençage de troisième génération aussi, puisque aujourd'hui les séquenceurs séquencent des génomes, mais ne sont pas adaptés pour séquencer des milliards et des milliards de bases. Et donc pour ça, on va partir sur des systèmes de troisième génération pour arriver à relire la donnée qui a été écrite. Donc globalement, c'est les perspectives du projet, donc sachant qu'il y a beaucoup de verrous à lever, à la fois en chimie, à la fois en bioinformatique, à la fois en informatique et aussi sur les biologies de séquençage. Donc voilà, c'est toutes les perspectives en fait du projet, avec un premier jalon vers 2025, 2025-2027, où on va proposer de nouvelles chimies qui vont écrire les données donc avec une accélération d'un facteur 100 par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et avec des expérimentations sur des données réelles, donc avec nos partenaires, donc qui sont l'Institut National de l'Audiovisuel, la Bibliothèque Nationale de France, le Software Heritage et le Parlement européen. Donc on aura des cas d'usage réels sur ces données. Enfin, une des perspectives de Molecule Archive, c'est aussi d'aller vers l'Europe, hein, vers ce qu'on appelle un flagship européen, et donc de fédérer à la fois la recherche française, mais à terme aussi la recherche européenne, de façon à avoir dans le futur une solution souveraine européenne ou franco-européenne en fait pour le stockage de données sur ADN synthétique. Voilà, et vous pouvez retrouver comme chaque jour le lien direct vers ces études et toutes les études du Journal des Sciences, ainsi que celles qui seront mentionnées dans l'émission sur notre fil Twitter @MetalFC, ainsi que à terme sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue dans Nature Astronomy révèle l'existence d'un pulsar d'un genre nouveau. Les pulsars, ce sont ces étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'ondes radio balayant le ciel lorsqu'elles tournent. Ce nouveau pulsar, nommé PSR J0-901-4046, présente plusieurs caractéristiques inédites. Avec une période de rotation de 76 secondes, il est trois fois plus rapide que le pulsar qui détenait jusqu'à présent le record de vitesse. Mais ça n'est pas tout, ces impulsions ne sont pas toutes identiques. Les chercheurs en ont relevé sept types différents. Enfin, il a été repéré dans une zone de la Voie lactée connue comme un cimetière d'étoiles à neutrons. De plus amples études seront donc nécessaires pour comprendre ces étranges caractéristiques. Une percée vient d'être réalisée dans le domaine de la greffe d'organes. Oui, toute greffe d'organes, c'est, on le sait, une course contre la montre. Mais ça pourrait bien changer. Un foie a été greffé par des chercheurs de l'université de Zurich après avoir été conservé 3 jours dans des conditions non congelées. Le foie en question avait été d'abord jugé non viable par les centres de transplantation du fait de la présence d'une tumeur provenant du patient donneur qui était atteint de septicémie. Après 3 jours qui ont permis aux chercheurs d'effectuer les actions nécessaires pour réparer le foie, la transplantation a été réalisée et 1 an plus tard, le receveur est en parfaite santé. Et enfin, une bonne nouvelle dans un contexte d'extinction des espèces, une nouvelle espèce de singe vient d'être découverte. Macaca cellae, c'est le nom de cette nouvelle espèce de macaque découverte en Inde par des scientifiques du Zoological Survey of India et de l'Université de Calcutta. Ce primate, au visage pâle et au pelage brun, a probablement évolué à partir du macaque de l'Arunachal, une espèce menacée et elle aussi récemment découverte dans la même région de l'Arunachal Pradesh. Les chercheurs vont poursuivre leur enquête dans cette région qui pourrait encore abriter des populations de primates inconnues. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve dans quelques minutes pour le reportage du jour. Recyclage is the new chic, c'est le nouveau chic. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de recycleries qui ouvrent chaque semaine. L'ère du acheter, jeter, remplacer a vécu, espérons-le, ces derniers jours pour laisser place à l'ère du réparer, recycler, valoriser. Mais comment pousser à bout les logiques de recyclage et de valorisation des déchets? Nous parlons ça et là d'entreprises, ici dans le Journal des Sciences j'entends, nous parlons donc d'entreprises qui transforment les vêtements usagés en briques de construction pour habitation ou divers autres déchets organiques en ciment éco-responsable. Ces initiatives peuvent-elles être pérennes ou sont-elles encore anecdotiques? Toujours est-il que cette préoccupation du recyclage, du réemploi et de la valorisation, et nous allons prendre le temps de bien caractériser ces différents termes dans quelques minutes, mais cette préoccupation-là a nettement augmenté depuis 40 ans lorsque l'on parlait encore de lutte contre le gaspillage. Écoutez, c'est notre archive du jour. Nous avons donc choisi pour parler du gaspillage aujourd'hui les problèmes de l'emballage. Des montagnes de verre, 8 à 900 000 tonnes, de plastique, 350 000 tonnes, et de papier, 2,5 millions de tonnes, sont gaspillées chaque année en France. En septembre 1974, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, déclarait « Le temps de la croissance sauvage fondée sur le gaspillage des ressources à bon marché est terminé ». C'était quelques semaines à peine avant la fin des travaux d'un groupe de 14 experts qui, sous la direction de Claude Gruson, un économiste, avait été chargé de rédiger un rapport sur la lutte contre le gaspillage. Début 1976, où en sommes-nous ? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec nos invités. Voilà, c'était donc question pour un samedi sur France Inter en avril 1976. Le gaspillage a vécu, en tout cas la notion de gaspillage a vécu, Caco Naïtaline, et le recyclage a fait quand même un certain nombre de progrès depuis 40 ans. Oui, alors le recyclage a évolué, et notamment parce qu'il prend en compte plus de matériaux. Donc jusque-là, on ne recyclait que les matériaux qui avaient un intérêt économique, technico-économique. Aujourd'hui, on recycle les déchets parce qu'il y a un intérêt écologique également. Voilà. Donc l'objectif, c'est non pas de créer un emballage ou un matériau, un produit pour l'utiliser sans se soucier de sa fin de vie, c'est vraiment de le créer en prenant en compte justement ce qu'il va devenir en fin de vie, ce qu'on va pouvoir en faire, l'objectif étant qu'il retourne dans une boucle, un cycle de vie supplémentaire, d'augmenter un maximum en fait sa durée de vie et sa durée d'utilisation. Xavier Pi, étant entendu bien sûr lorsqu'on parle de recyclage aujourd'hui que le meilleur déchet d'entre tous est évidemment le déchet qu'on ne produit pas. Oui, exactement. Et c'est tout comme dans le domaine de l'énergie. Il faut d'abord réduire donc ses besoins, ses consommations et les productions de sous-produits ou de coproduits avant de effectivement essayer de les recycler. Donc c'est la bonne démarche effectivement. D'abord réduire ses impacts. Tout à fait. Alors, si on fait aujourd'hui un petit état des lieux du recyclage aujourd'hui en France d'abord, où est-ce qu'on en est si on regarde globalement? On sait que la tendance au recyclage progresse, mais est-ce que vous avez quelques chiffres ou faire un petit état des lieux à nous proposer, Kakona Italine? Oui, alors, on recycle majoritairement les matières, on va dire, minérales comme l'acier, l'aluminium, le verre. Donc, pour le verre, on est pratiquement à 100%, l'aluminium autour de 50%. De recyclage, taux de recyclage. Le verre, on est autour de 85%. Le plastique, on est plutôt autour de 28-29%. Et le taux de recyclage va dépendre de la forme du plastique. C'est-à-dire que dans le passé, on recyclait les bouteilles et les flacons, majoritairement. Donc là, on est plutôt autour de 50-60% de recyclage. Et on commence à recycler les produits plats, les feuilles, les films. Et c'est pour cela que le taux global est descendu à 28%. Donc on commence tout juste à recycler ces matériaux-là. Donc le plus gros effort est plutôt du côté des plastiques aujourd'hui. Et côté papier, carton, également, on est autour de 60%. Un mot, Xavier Pi, sur cet état des lieux, sur la progression, sur l'augmentation du recyclage. Alors, quand on parle recyclage, tout le monde pense évidemment au tri sélectif, mais le recyclage, c'est évidemment beaucoup plus large que ça, parce que il n'y a pas que les déchets ménagers à recycler, il y a tous les déchets industriels notamment. Tout à fait. Donc moi, je travaille plutôt dans un autre registre, celui de déchets industriels qu'on accumule depuis des décennies. Alors autant les déchets amiantés, on reparlera tout à l'heure d'ailleurs du BTP, les déchets amiantés qui ont en plus un caractère de dangerosité, les cendres volantes de centrales thermiques au charbon, ces microparticules qu'on retrouve dans les fumées, les cendres volantes d'incinérateurs de déchets, les laitiers de la métallurgie, et puis aussi un coproduit dont on parle très peu, c'est les chaleurs fatales industrielles ou les chaleurs perdues par l'industrie, qu'on peut recycler et qui sont d'autant aussi des économies à réaliser. Donc c'est voilà, il y a aussi tout ce pendant qui est beaucoup moins connu des coproduits industriels. Oui, et dont on va évidemment parler tout à l'heure parce que c'est un pan important, c'est tout à fait passionnant. Quel est votre avis, Kakona Italine, sur les principaux défis qui restent aujourd'hui à relever? On va parler de la France, on pourra étendre un peu si vous le souhaitez, mais quelles sont aujourd'hui les étapes à franchir pour augmenter encore, pour faire monter, pour arriver finalement à des boucles vertueuses où on n'aurait presque plus besoin, ou en tout cas limiter au maximum le besoin de nouveaux intrants neufs de matières premières, quoi. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Alors allons-y, on a le temps. Alors, la première chose, c'est tout d'abord de généraliser l'éco-conception. C'est-à-dire vraiment faire en sorte, quand on met un produit sur le marché, pas seulement l'emballage, vraiment tous les produits, qu'on pense à la fin de vie. C'est pas encore tout à fait un automatisme systématiquement. C'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, c'est de changer la vision que l'on a du déchet. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir le déchet comme quelque chose qui est en fin de vie. On ne le voit pas comme une ressource. Mmh. Le déchet est potentiellement une ressource. Alors bien sûr qu'il faut l'éviter. Mais quand il est là, il faut avoir conscience qu'il a une valeur. Et donc il faut bien le jeter. Quel que soit le type de matériau, pas seulement les emballages, les autres types de produits peuvent également se trier. Voilà. Il y a tout un aspect psychologique aussi derrière. Et je pense qu'en France, on a des efforts supplémentaires à faire par rapport à d'autres pays européens comme en Allemagne, qui ont plus d'automatisme concernant le tri. Concernant le tri, il y a également certains efforts, je dirais, plus techniques, technologiques, pour permettre justement de mieux extraire les matériaux, d'obtenir des matières plus pures, afin de pouvoir augmenter le nombre d'applications et de débouchés. Et le nombre de cycles de vie également. Et le nombre de cycles de vie, tout à fait. Par exemple, côté plastique, aujourd'hui, on a plutôt tendance à recycler la matière de manière mécanique, donc à la dégrader au fur et à mesure. Si on arrive à trouver une manière de la recycler de manière chimique ou enzymatique, alors aujourd'hui, ça commence à se faire, on va pouvoir la recycler pratiquement à l'infini. Voilà. Alors, redéfinissez bien les deux termes. C'est quoi dégrader du plastique? plastique de manière mécanique, c'est du broyage. Alors, c'est pas alors on va broyer le plastique, on va l'intégrer, on va le chauffer, on va le faire fondre, on va l'introduire dans une vis sans fin et on va le produire une autre matière. En gros, on fait fondre le plastique et on le forme. Voilà. Le recyclage chimique, c'est différent. On va venir extraire le plastique ou bien des substances issues du plastique pour créer un autre plastique. Voilà. C'est vraiment très très différent. L'un est chimique, l'autre est plutôt mécanique, thermomécanique, je dirais. Voilà. Et Xavier Pi, dans le domaine, donc du coup, on a compris que votre partie, c'est plutôt le recyclage industriel. Aujourd'hui, encore une fois, on a fait certainement beaucoup de progrès. Le recyclage de l'acier, notamment, je crois, du côté de l'industrie, est presque à 100%. Mais quelles sont les marges de progression et de manœuvre encore pour aller plus loin dans ces cycles de recyclage? Effectivement, le problème en fait qu'on a devant nous, hein, c'est notamment le problème de la transition énergétique, hein, qui nous concerne et pour laquelle en fait on a tout un tas de problématiques comme l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, hein, qui sont par nature intermittentes, donc on a besoin de stockage pour les gérer, la valorisation des chaleurs perdues ou fatales industrielles qui nécessitent aussi du stockage thermique haute température, donc jusqu'à 1000 degrés, la décarbonation de l'industrie, hein, on démarre juste ces aspects-là, et donc face à toutes ces problématiques, le bilan, c'est qu'on n'a pas assez de matières premières, on n'a pas assez de matériaux disponibles sur le marché. Il y a déjà des tensions, hein, sur le marché européen ou mondial au niveau des céramiques industrielles. Et si on se met donc à exploiter les quelques gisements naturels qui restent de matières minérales pour la transition énergétique, c'est pas soutenable du tout. Donc c'est devant cette problématique qu'on s'est dit, il faut essayer de faire de plusieurs problèmes une solution, et donc d'aller chercher dans ces gisements de déchets qu'on a sur les bras, qui pour certains sont dangereux, et donc là effectivement on rentre sur la notion de service écologique, c'est-à-dire que donc c'est l'approche de l'ecological engineering, hein, qui, je dis en anglais parce qu'en France ça n'existe pas encore. L'ingénierie donc, écologique. Oui, mais bon, en France, l'écologie, ça a quelquefois une notion qui est un peu péjorative, quelquefois un peu écolo, etc. Donc, je suis aussi là-dedans, certes, mais l'ecological engineering, ça consiste vraiment à dire, effectivement, que je veux développer une activité industrielle, une activité humaine, quelle qu'elle soit, ça va avoir des impacts. Et donc, dans l'écosystème dans lequel je suis, je vais déplacer l'équilibre. Il faut qu'en retour de la ressource que je vais prendre, je compense ce que je prends et que je rentre d'ailleurs à un service écologique. Et c'est là où effectivement le fait de dire on a besoin par exemple de quantités énormes de matériaux de stockage pour la transition énergétique, quitte à le faire, je vais essayer du coup en même temps d'aller piocher dans ces déchets et qui plus est dangereux quelquefois pour les inerter et d'ailleurs rembourser la facture énergétique et environnementale du traitement du déchet lui-même par le nouvel usage que je vais faire. Et donc, je donne effectivement en retour un service écologique, voire même social, en créant des filières industrielles, puisqu'on va développer aussi des industries qui n'existent pas encore aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi. On va discuter de tout cela et justement de la transformation de l'utilisation de ces déchets industriels dans quelques minutes, puisque vous l'aurez compris aujourd'hui, on essaie de voir jusqu'où on peut pousser le recyclage, qu'il soit eh bien ménager ou industriel, et quelles sont encore les filières qui se développent. C'est notre thème du jour. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. Nous poursuivons donc cette émission consacrée au recyclage en compagnie de Cacona Italine et de Xavier Pi. Peut-être, on le disait, et j'en parlais en introduction, Cacona Italine, on parle donc de recyclage, on parle de réemploi, on parle de valorisation, de réutilisation. Tout ça, ça ne recouvre pas les mêmes réalités, ce sont différents procédés. Est-ce qu'on peut faire un petit tri pour comprendre exactement qui fait quoi et de quoi on parle ? Alors on va peut-être commencer par la réutilisation, la première étape. Donc réutiliser un déchet, c'est en fait le préparer. C'est-à-dire en fait vous avez votre déchet, vous le réutilisez pour une application qui est identique, similaire, en l'ayant au préalable préparé et contrôlé. C'est l'exemple, par exemple, de la bouteille consignée. C'est-à-dire que vous l'utilisez, vous la nettoyez, vous la stérilisez, vous la remplissez, vous la réutilisez. Vous ne créez pas tout de suite de déchets. Le déchet sera produit au bout de X cycles. Voilà. Ça, c'est la réutilisation. Pour le recyclage, c'est le déchet, en fait, il faut voir le déchet comme une source de matière première. C'est-à-dire qu'on va venir extraire des substances ou des matériaux qui vont être utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Soit le produit est identique au déchet initial, et dans ce cas-là, on parle de recyclage en boucle fermée. Par exemple, une bouteille en plastique, la matière extraite d'une bouteille en plastique va être utilisée pour fabriquer une autre bouteille en plastique. Soit cette matière-là va être utilisée pour fabriquer un produit qui n'a rien à voir pour un autre usage. On parle alors de recyclage en boucle ouverte. Et là, par exemple, votre bouteille en plastique, sa matière va être utilisée pour fabriquer une fibre textile. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est pour le recyclage. Vous avez aussi la régénération. La régénération, c'est un peu particulier. C'est essayer de retrouver les propriétés initiales, ou en tout cas en partie, une partie des propriétés initiales de votre matériau. Par exemple, une huile, vous allez la raffiner, enlever les polluants, pour retrouver ses caractéristiques initiales. Pour un plastique, ça va être essayer de le repolymériser, pour justement obtenir les mêmes caractéristiques mécaniques initiales. C'est ça la régénération. Finalement, on touche peu aux déchets, on transforme peu. Voilà. Et la valorisation ? Alors la valorisation, c'est plus général que ça. Oui. La valorisation, c'est donner de la valeur aux déchets. C'est-à-dire que en fait, on va, en fait, ce sont des opérations qui permettent de réutiliser les matériaux issus des déchets. Donc ça, c'est le recyclage matière dont on a parlé juste avant, ou d'en extraire de l'énergie. Voilà. Donc c'est faire en sorte de pouvoir réutiliser, de le réintégrer dans une boucle sous forme de matière ou sous forme d'énergie. Voilà. La valorisation, Xavier Pi, un mot là-dessus, puisque c'est exactement ce que vous faites hein, avec les déchets industriels. Tout à fait. Donc, donner de la valeur effectivement aux coproduits, aux matériaux, aux fins de cycle de vie, c'est effectivement la bonne solution pour les remettre sur le marché. Alors, c'est ce que nous on fait effectivement à partir de ces déchets industriels que dont je parlais tout à l'heure, en réalisant des céramiques donc haute température qui coûtent beaucoup moins cher en fait que les céramiques commerciales qui sont disponibles sur le marché, qui ont des très bonnes propriétés d'usage. Alors ça, c'est un peu difficile effectivement au niveau de la démarche de garantir des propriétés de haute performance à des matériaux qui sont issus de déchets. Donc là, il y a un travail à faire aussi au niveau des mentalités et des approches au niveau culturel. Donc nous, ce que l'on fait aussi, c'est qu'on essaie en fait de donner plusieurs fonctionnalités aux matériaux recyclés. Donc c'est non seulement une céramique qui stocke de la chaleur, mais on la met en forme sous forme d'un échangeur stockeur, et le fait de lui rajouter cette valeur aussi d'échangeur de chaleur, on rajoute effectivement de la valeur pour faire en sorte que finalement son attrait sur le plan économique soit d'autant plus important. Alors là, on rentre dans les notions effectivement de temps de retour économique sur l'investissement que l'industriel fera sur ces matériaux, parce qu'il y a des dizaines de milliers de tonnes de matériaux dans un système de stockage industriel. Et il y a aussi le temps de retour environnemental qui est important, qui est assez nouveau. C'est-à-dire que valoriser un déchet, ça a du sens uniquement si la nouvelle fonction qu'on va lui donner dans sa nouvelle vie permet de se rembourser de la facture environnementale du traitement lui-même. Puisque traiter un déchet, on rajoute de l'énergie, on rajoute du CO2 contenu. Et donc, il faut voir le temps de retour, en combien de temps se rembourse des impacts du traitement du déchet. Et là, on rentre dans les notions d'analyse de cycle de vie qui sont excessivement importantes dans ces notions de valeur. Oui, c'est très important hein, cette notion justement de valeur, de cycle de vie, de un déchet finalement n'a d'intérêt que si sa transformation ne rajoute pas effectivement suffisamment ou en tout cas trop à la facture et qu'à la fin l'équation finalement soit négative et que le bilan carbone et énergétique soit défavorable. Oui, tout à fait. Et on a tendance à regarder les impacts par étape du cycle de vie. Il faut vraiment regarder les impacts environnementaux d'un produit sur tout son cycle. Le cycle complet, incluant aussi le traitement des déchets. Et la transformation. Et la transformation éventuelle. Alors généralement, quand on utilise une matière recyclée, on a un gain important en termes d'impact environnemental et notamment d'impact CO2 sur la fabrication, sur le matériau. Voilà. On est entre 70 et 80% de gain quand même, hein, ce qui est quand même assez important, sans parler de l'énergie. De gain, c'est-à-dire de gain financier ? De gain sur les impacts CO2. Okay. Voilà, les impacts environnementaux. Et on a également du gain côté énergie, qui est assez considérable. Donc, il y a un intérêt. Et en plus de ça, on économise de la ressource. Donc, il y a un intérêt de ces deux côtés-là. Voilà. On parle aussi, Cacona Italine, de MPR pour matière première de recyclage. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment c'est utilisé? Comment ça rentre dans cette chaîne de transformation? La matière première de recyclage, c'est la matière issue qui est issue du recyclage et qu'on va venir introduire dans la fabrication d'un produit. Alors, généralement, cette matière n'est pas utilisée seule. C'est-à-dire que même pour des matériaux qui sont recyclables à l'infini, vous allez toujours ajouter un petit peu de matière non recyclée. Des matières recyclées, matériaux recyclables à l'infini, c'est quoi par exemple? Par exemple le verre, l'acier, l'aluminium. Alors dit infini, oui. Je vais mettre des guillemets parce bien que sûr. Rien n'est toujours n'est recyclable totalement à l'infini. Mais on est toujours obligé de rajouter quand même de la matière. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous avez un produit, il n'est jamais constitué uniquement de verre, d'acier. Enfin, l'acier n'est pas toujours le même. L'aluminium, c'est pareil, c'est un alliage. Donc, quand vous mélangez plusieurs métaux d'origine différente, vous allez obtenir une formulation, une composition qui ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes obligé d'ajuster. C'est pareil pour le verre, c'est pareil pour l'aluminium et c'est pareil pour le plastique. Voilà. Mmh. Donc, dans tous les cas, vous serez quand même obligé de rajouter de la matière, de la ressource vierge. Voilà. On va commencer à s'intéresser aux déchets industriels et notamment à ceux du BTP. Le BTP, bien, c'est un secteur dans lequel beaucoup de choses, si ce n'est tout, à peu près peut se recycler, y compris, et on en parlera tout à l'heure avec Xavier Pi, les 2% de déchets dits dangereux. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas. Rebonjour. Bonjour à tous. Rebonjour. Vous avez mis votre plus beau casque et vous êtes fait un petit chantier. Oui, et j'ai rencontré François Prisibilco, qui est directeur commercial au sein de la société Iprema, une société spécialisée depuis plus de 30 ans dans le recyclage des déchets de chantier comme le béton ou encore les terres inertes. Je me suis donc rendu sur le site d'Emerainville en Seine-et-Marne où la société Iprema recycle chaque année environ 1 million de tonnes de béton, un béton qui sera ensuite essentiellement réutilisé dans les sous-couches routières. François Prisibilco nous fait donc faire la visite de l'espace d'arrivage jusqu'au laboratoire où est contrôlée la qualité du matériau recyclé. Alors, les missions de l'entreprise, déjà, c'est une entreprise qui a plus de 30 ans d'existence et qui repose sur des principes depuis plus de 30 ans qui sont ceux de l'économie et de l'écologie, l'économie circulaire, comme on a coutume de l'appeler maintenant, qui repose sur le fait de récupérer et de réceptionner les matériaux de déconstruction du BTP en vue d'être recyclés et notamment pour éviter la mise en décharge et l'utilisation de matériaux dits naturels. Voilà, ben là on est dans le vif du sujet. Décrivez-moi un petit peu le paysage. Alors le paysage, ben, c'est effectivement différents stocks de qui chez nous s'appellent des matériaux bruts ou notre matière première en fait, où on a des stocks de gros blocs de couches de chaussée qui sont là en phase de préparation en vue d'être produits pour des matériaux recyclés en fait. Alors les grandes étapes, c'est qu'il y a une étape préalable qui est celle de l'entrée sur nos sites des matières premières, où là on a tout un process de traçabilité, où on a une identification des chantiers entrants et qui génère un bon de pesée chez nous, qui est un bon d'acceptation, qui permet d'avoir toute la traçabilité en amont de ce matériau brut. Ce matériau brut, une fois rentré sur nos sites, il est effectivement stocké à différents endroits qui permettent d'orienter les productions en fonction des produits finaux qu'on va choisir de produire. On est face à une surface assez conséquente. Combien à peu près vous retraitez de béton chaque année? Alors, Iprema, au global, recycle et commercialise à peu près 1 million de tonnes de matériaux par an. Nous sommes là sur le site d'Emerainville où on traite environ 200 000 tonnes de matériaux à l'année. Et on est sur un site qui fait à peu près 2 hectares et demi, 3 hectares. Et c'est la place qu'il faut pour pouvoir faire correctement ce recyclage des matériaux de déconstruction. Alors en fait, tous nos sites sont configurés de la même façon. Vous avez d'un côté, en l'occurrence à droite, tous les matériaux qu'on appelle les matériaux bruts. On a au centre l'organe de concassage et de transformation du matériau qui a plusieurs étapes. Vous avez le concasseur, vous avez une opération de déferraillage ici qui va se faire et une opération de tri manuel dans une cabine de tri. On va avoir un opérateur qui va enlever les plus gros éléments qui auraient pu passer, c'est-à-dire les gros éléments de ferraille, de bois, de plastique, de façon à avoir un matériau qui soit le plus propre possible. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un crible. Un crible, ce n'est ni plus ni moins qu'un tamis, en fait, qui va séparer les gros cailloux des petits cailloux. Et une fois que cette opération est faite, après avoir été concassée, on a les stocks de matériaux finis qu'on a à gauche et qui vont être commercialisés pour l'essentiel aux entreprises de travaux publics. Vous avez même des poules. On a des poules, on a une grosse politique sur tout ce qui est lié à la biodiversité et aux espaces verts. Sur chacun de nos sites, on a minimum 10% d'espaces verts. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur une activité industrielle. Et donc la capacité de stockage, ça a un coût pour nous. Et, Et voilà, on fait l'effort de pouvoir mettre en place ces espaces verts de façon à pouvoir être intégré pleinement dans la ville. Parce que l'économie de ces activités-là repose sur le fait d'être à proximité des villes. Ouais. Si on est plus loin des villes, on n'a aucune légitimité, si je puis dire, par rapport aux matériaux naturels. Et donc le fait d'être proche des villes fait qu'on est proche des chantiers. Et encore plus actuellement avec l'envol des coûts d'énergie, notamment de carburant, fait qu'on a un vrai intérêt pour nos clients et au global pour la collectivité. Ouais, ça diminue les coûts de transport et ça réduit la pollution. Oui, complètement. C'est totalement dans l'air du temps, encore plus actuellement. Là, on parle de matériaux. Donc du coup, est-ce que ce matériau va être... Comment il va être utilisé dans la construction selon les différents types de produits qui sont retraités? C'est pas du ciment pur. Comment ça va être intégré à la construction? Alors, nos matériaux sont utilisés en sous-couche routière. Traditionnellement, on a tendance à considérer qu'une route, c'est que la partie visible de ce qu'on voit. Et en fait, toute la structure d'une route et la tenue d'une route se fait par les structures inférieures qu'on ne voit pas. Et donc, en dessous de ces structures, il va y avoir 1 mètre de matériaux. Et donc, les matériaux recyclés que vous voyez ici vont être mis en sous-couche, sous la partie d'enrobée qu'on voit quand on circule, pour pouvoir avoir différentes portances, c'est-à-dire différentes tenues, différentes forces par rapport au trafic qui va s'exercer sur la route. Quel type de chercheurs, quel type de spécialités scientifiques ont été mobilisés pour valider votre concept et puis pour le suivi surtout de la qualité du produit que vous proposez? On a un laboratoire en interne et on va réaliser des essais sur chacun des matériaux, que ce soit en entrée mais également en sortie. Parce que même si on ne fait que concasser des cailloux, entre guillemets, il y a vraiment des vérifications au niveau géotechnique, au niveau chimique, pour analyser ces différents matériaux. On est passé de la pelleteuse à la paillasse. Il faut savoir que sur chaque site de production, les sites sont équipés de mini-laboratoires pour faire les essais les plus courants. Par exemple, l'analyse sur les sulfates, c'est-à-dire sur la présence de gypse, de plâtre dans les matériaux recyclés, qui est l'ennemi juré des matériaux recyclés, parce que ça peut provoquer des gonflements. Donc c'est un phénomène maintenant qui est complètement maîtrisé par la filière, mais qui nécessite d'avoir des vérifications en constant. Et puis l'autre analyse qu'on fait très fréquemment, ça va être la teneur en eau du matériau. Simplement, comme vous pouvez le faire lorsque vous faites des châteaux de sable, si vous avez un sable qui est trop sec, votre château ne tient pas. Lorsqu'il est trop humide, il ne tient pas non plus. Donc là, c'est vraiment d'avoir la bonne teneur en eau du matériau pour faire en sorte que ça respecte les conditions d'utilisation et de performance sur la route. Donc là, on va faire tous les essais pour caractériser les matériaux. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement de concasser des matériaux, c'est que derrière, on a des fiches techniques sur les matériaux avec des préconisations techniques et d'utilisation. Et donc, on va faire tous les essais, notamment géotechniques, sur ces matériaux-là pour pouvoir déterminer là où on peut les utiliser, dans quelles conditions on peut les utiliser. Voilà donc un exemple de recyclage et de valorisation des déchets dans le BTP. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Xavier Pi? Oui, effectivement, c'est un secteur très intéressant puisque ça nécessite aussi beaucoup de matières premières. Dans ce domaine-là, d'ailleurs, il y a des déchets amiantés qui sont depuis une trentaine d'années valorisés aussi, d'abord inertés, puis valorisés comme remblais de route, donc par la société Inertam Europlasma dans les Landes, et de même d'ailleurs une partie des laitiers sidérurgiques. Donc c'est une voie intéressante, effectivement, de valorisation. Kakone Italine? Oui, donc ça, comme cela a été dit dans le reportage, ça permet vraiment de réduire l'impact de la construction. Parce qu'on va réutiliser des gravats, on va pas devoir aller chercher des remblais d'une certaine qualité dans un endroit précis en France ou en Europe. Donc vraiment, on a un gain en termes d'impact environnemental dans la construction. Dont on sait que c'est par ailleurs l'un des premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Oui, oui, tout à fait. L'objectif européen de valorisation de 70% des déchets du BTP était à l'horizon 2020. Xavier Pied, vous savez où on en est de cet objectif? Non, alors je n'ai pas effectivement les chiffres en tête à ce niveau-là, mais bon, effectivement, ça progresse. Alors, la problématique qu'on a quand même, que je voulais mentionner, c'est au niveau de la valorisation de sous-produits ou déchets industriels, en termes de contenu énergétique et énergie grise en fait dû au traitement. Le fait de réutiliser le matériau dans le BTP, ça permet pas toujours effectivement un temps de retour environnemental suffisant. C'est-à-dire que nous, par exemple, nos céramiques recyclées à partir de déchets industriels, on a étudié avec des éco-constructeurs la possibilité de les intégrer au bâtiment d'éco-construction pour leur rajouter de l'inertie thermique. Alors c'est faisable hein, techniquement, c'est intéressant, mais finalement le retour sur investissement effectivement environnemental est moins bon que quand on les utilise sur des applications haute température sur lesquelles finalement on gère des stocks énergétiques plus intéressants de variation par exemple de chaleur fatale ou d'énergie renouvelable. Vous allez nous parler dans quelques instants plus en détail de ces céramiques de haute température et de cette façon finalement, qui est d'une autre façon à laquelle on pense moins facilement, de valoriser les déchets via leur transformation ou leur utilisation en énergie. On en parle dans quelques secondes musicales. Le recyclé. Après une nuit bien arrosée, un réveil en sous-marin, parce que ma vie tournait en rond, il fallait bien. Tu donnes un sens, une destinée, incapable de changer le monde. Je me suis dit, c'est moi que je vais changer, je vais me recycler. J'ai plongé dans la boîte verte qui recycle le verre, en me transformant en bouteille pour être jeté à la mer. Recyclé en verre, à bière à Las Vegas, dans un casino de seconde classe. Ma fin fut brutale, lors d'une bagarre générale, j'ai fini sur la tronche d'un visage pâle qui avait mal planqué ses as. Moi qui voulais les îles caramel, j'ai encore fini dans la poubelle. Je l'ai recyclé. Ma vie est devenue un enfer. Je l'ai recyclé. Depuis j'ai donné mon âme au verre. Et alors que la nature qui m'a gêné, j'en suis sûr. Tout ce qui a été ordure redevient l'ordure. Ma vie est devenue un enfer. Je l'ai recyclé. Depuis j'ai donné mon âme au verre. Et alors que la nature qui m'a gêné, j'en suis sûr. Tout ce qui a été ordure redevient l'ordure. J'ai pourtant eu mon heure de gloire à Los Angeles. J'étais silicone greffé sur les seins d'une déesse. Grande star du siloche, très nombriliste. À mon grand bonheur, elle adorait les plaisirs égoïstes. J'étais heureux, je me sentais utile, épanoui. J'aurais voulu que ça dure tout le temps, mais il y a eu cette tragédie. Un jour qu'elle prenait l'avion, j'ai pas supporté la pression, j'ai fait exploser ses nichons. Folle de rage, elle m'a jeté par le hublot. J'ai atterri à Tokyo dans l'assiette d'un yakuza qui me prit pour un sushi et me dévora. Mais ma torture s'arrête pas là. Mastiqué, digéré, etc. Je me suis retrouvé pneu pour Toyota, vendu sur une Jeep pour un rallyman qui traversait l'Afrique. J'ai mangé le sable et la poussière avant de crever en Tanzanie. Recyclé en pare-battage sur un rafio pourri de Zanzibar qui mettait le cap sur Madagascar. J'ai essuyé une tempête déchiquetée par les requins. Arrivé sur l'île en lambeaux, la torture a repris le flambeau. Dans les pays pauvres, tous récupèrent, on m'a coupé en sangles pour faire de moi une paire de tongs. J'ai encore mordu la poussière. Je l'ai recyclé. Ma vie est devenue un enfer. Je l'ai recyclé. Le recyclé de Erwan à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons des différentes options et de la recherche en recyclage tout au long de cette heure en compagnie de Kakonait Aline, qui est ingénieur matériaux et docteur en chimie des matériaux polymères, et Xavier Epi, ex-chercheur au laboratoire procédés matériaux énergie solaire à Perpignan, aujourd'hui chercheur au laboratoire de thermique et d'énergie à Nantes. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joe Tanous. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur le développement de nouveaux matériaux pour une construction durable issue du recyclage auprès des laboratoires de l'UMR, MCD et CPDM à l'Université Gustave Eiffel Campus Marne-la-Vallée. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors, comme vous m'avez présenté, je suis alors doctorant en première année de thèse. J'effectue ma thèse à l'unité mixte de recherche entre l'Université Gustave Eiffel et le CEREMA, qui est baptisée Matériaux de construction durable, et à l'USITC Paris, qui est École supérieure d'ingénieurs des travaux de construction de Paris. Sous l'encadrement de mes chercheurs qui sont Othman Omikrim Talsi, Touraya Salem et Teddy Fanchank. Alors, mon sujet qui parle du développement et la valorisation de nouveaux matériaux pour une construction durable issue du recyclage. En fait, ce sujet m'a tellement intéressé durant mes études, depuis mon projet de fin d'études en master sur les granulats recyclés et mon stage en M2 qui est réalisé en amont de ma thèse avec la même équipe d'encadrement. En fait, ce sujet s'inscrit dans les problématiques majeures de notre époque. On observe de plus en plus la prise de conscience du développement durable, des restrictions et des lois qui exigent l'utilisation des matériaux alternatifs pour en faire face au changement climatique, aux gaz à effet de serre, à la consommation d'énergie, à l'empreinte carbone, etc. Dans ce contexte, nous avons cherché dans ma thèse à valoriser des matériaux qui sont issus du recyclage dans le secteur du bâtiment et de travaux publics et qui est un secteur industriel de grande consommation de matières premières dans différents buts dans lesquels de satisfaire le besoin croissant en matériaux dans ce secteur, de réduire l'enfouissement de déchets et le rejet des polluants dans la nature. Alors, premièrement, un état de l'art des matériaux présents en volume important et qui sont peu valorisés, voire non valorisés, nous a permis de sélectionner deux matériaux alternatifs qui pourraient être utilisés dans la fabrication de nouveaux matériaux de construction et cela en substitution des granulats minéraux conventionnels. Le premier matériau qu'on a choisi, c'est les mégots de cigarettes. Alors, non seulement parce qu'ils polluent le sol ou les océans, mais aussi parce qu'ils sont dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Et comme hier, c'était encore la journée mondiale sans tabac, donc on peut voir que ça reste toujours un sujet d'actualité. Et surtout en France, où on observe, selon les chiffres, une légère hausse de la consommation de cigarettes en 2020. En fait, la quantité de mégots de cigarettes produites en France est de l'ordre de 10 000 tonnes par an, et où la consommation représente environ 1% de la consommation mondiale, qui est estimée à environ entre 4 000 et 5 000 milliards de cigarettes. Le deuxième matériau est issu du roseau, qui est une plante invasive très présente au sein des parcs naturels régionaux. C'est donc une source locale qui ne génère pas de plantation. Je travaille alors sur la valorisation du roseau et cela sous forme de poudre et de granulats et qui sont obtenus grâce à un partenariat à notre université et qui est l'entreprise Rosobrain, qui est une unité de transformation de roseau. Alors je vais dans ce qui suit approfondir un peu sur le sujet de la valorisation de mégots de cigarettes car j'ai commencé à travailler sur ce matériau depuis mon stage. Alors, comme nous savons, les mégots sont composés de plus que 4000 substances chimiques toxiques qui sont jetées au sol et se trouvent dans la nature, polluant ainsi notre environnement. Le filtre est conçu pour retenir ces substances toxiques et lui représente 2/3 du poids du mégot. Alors, plusieurs voies de valorisation des mégots ont été explorées dans le monde, comme la fabrication d'isolation acoustique, incorporation dans des briques de terre crue ou dans des routes. Mais la nouveauté dans notre travaux de recherche par rapport aux études précédentes est notamment l'utilisation de fibres d'acétate de cellulose, qui est issue d'un processus de dépollution de mégots de cigarettes par un partenaire qui est l'entreprise Mégo, qui nous a fourni ce matériau. Alors, après l'état de l'art, la méthodologie a consisté premièrement à caractériser finement ces fibres d'acétate de cellulose en déterminant par exemple leur composition chimique, leur masse volumique, leur microstructure, leur absorption d'eau et leur conductivité thermique. Ces caractérisations sont nécessaires car les propriétés des fibres influencent celles du matériau cimentaire dans lequel ils seront incorporés. Je donne par exemple, si les fibres absorbent beaucoup d'eau, comme c'est notre cas, lors du gâchage de la pâte cimentaire, qui est constituée d'eau et de ciment, une compétition peut se produire entre l'eau absorbée par les fibres et l'eau qui est nécessaire pour hydrater le ciment. Ensuite, on a étudié l'effet de l'introduction de ces fibres d'acétate en substitution du sable sur les propriétés de mise en œuvre d'un mortier, c'est-à-dire si ça facilite sa mise en place, sa résistance mécanique à la pression, à la compression, à la flexion et sur sa conductivité thermique. Les travaux réalisés jusqu'à présent sont vraiment très encourageants puisqu'on peut recycler jusqu'à 23 kg d'acétate de cellulose dans seulement 1 mètre cube de mortier, et ce qui est quand même un résultat impressionnant. Et par la suite, on va s'intéresser à l'intégration du roseau dans les mortiers. Pour conclure, Joe, rapidement. Oui. Vous avez terminé ? Oui. Très bien, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joe Danous, pour cette présentation. Merci beaucoup. C'est tout à fait intéressant. Peut-être une réaction l'un et l'autre, Cacao et Naïtaline, à ce type de recherche et de volonté de transformation d'un certain nombre de déchets et de réutilisation, de réemploi. Du coup, on parle de réemploi pour d'autres usages et notamment des usages de construction. Alors, c'est quelque chose qui se développe et qui est intéressant. Moi, j'ai juste une remarque là-dessus. C'est que souvent, on oublie la durabilité. C'est-à-dire la durée de vie finalement du matériau. Parce que là, on est sur un matériau qui est assez complexe et multimatériau, je dirais. Voilà, pour les mégots de cigarettes, en l'occurrence. Exactement. Mmh. Et clairement, là, se pose la question de la durée de vie de l'élément en remplacement d'un matériau qui, de base, est quand même très, très durable. Donc, c'est un challenge, mais je pense que c'est un challenge intéressant. Mmh. Xavier, puis un mot, justement, sur ce type de travaux de recherche. Oui, bah effectivement, l'intervenante était tout à fait pertinente sur cette remarque. Un des gros problèmes qu'on a sur les valorisations de le recyclage de matériaux, c'est leur acceptation sur le marché ensuite, et notamment sur la garantie qu'on peut donner de leur durée de vie sur le nouvel usage. Vu leur origine, donc c'est une des problématiques que nous on rencontre aussi au niveau des céramiques de stockage pour l'industrie. Mmh. Parce que on parlait dans le journal des sciences par exemple il y a pas très très longtemps d'un nouveau ciment produit avec de l'urée, donc de l'urine de mammifère et de la boue de carbure rejetée lors de la production de gaz d'acétylène. Ce type d'usage là, on pense également notamment, et ça fait un petit bout de temps que il y a un certain nombre d'entreprises qui tentent de commercialiser ce type de produit. On pense à des briques ou en tout cas de l'isolant phonique fait à partir de déchets textiles. Tout ça, est-ce que, en fait, ce dont on se rend pas bien compte, qu'a connu Italine, c'est est-ce que ce sont des initiatives un peu isolées qui rencontrent un succès limité? Est-ce que ça peut s'améliorer encore? Est-ce que ça peut devenir quelque chose finalement ou des cycles pérennes qui permettent justement de rentrer dans des boucles vertueuses de réemploi? Alors honnêtement, d'un point de vue purement construction, ce sont des initiatives où on a l'impression qu'on essaie de trouver un débouché durable à des matériaux qui ne le sont pas. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de procéder. La problématique que je vois, moi, dans ce type d'initiative, c'est qu'on regarde les caractéristiques, certaines caractéristiques du matériau, en comparaison avec le matériau initial, par exemple mécanique, tout simplement. On oublie un certain nombre d'effets, notamment comment le matériau va vieillir dans le temps, comment il va se décomposer, qu'est-ce qu'il va pouvoir générer, notamment pour tout ce qui est textile, parce que les textiles, bon, ce sont des fibres qui sont organiques, quelles sont leurs résistances au feu, etc., etc. Donc, je pense que on a tendance à se focaliser sur certains paramètres en oubliant, finalement, qu'il y a il faut penser vraiment cycle de vie, en fait, quand on crée un nouveau produit à partir de déchets. Et je pense que c'est ça qui est parfois oublié. Donc on voit des one shot de temps en temps, on entend parler de briques qui sont faites à partir de plastique ou autre, mais c'est rarement durable. Enfin, c'est-à-dire qu'on le voit rarement se développer parce que il y a pas forcément d'intérêt aussi technico-économique derrière, et les propriétés qui vont avec ne sont pas forcément intéressantes pour toutes les applications. Xavier Pi, vous vouliez réagir? Oui, alors il y a aussi un problème de réglementation, c'est-à-dire que quand on touche au domaine de l'habitat, de la construction du BTP en général, il y a heureusement d'ailleurs des règles, des normes à respecter, et il y a des classifications des matériaux et de reconnaissance de certains matériaux comme pouvant être utilisés, et d'autres donc sont exclus. Donc là aussi, c'est bien, parce que ça protège quand même après les utilisateurs que nous sommes, mais c'est vrai que ça peut être aussi un frein à certains matériaux recyclés qui pourraient effectivement se substituer à certains matériaux commerciaux actuels, parce que par facilité, on est rentré dans les années 70 dans le tout béton, etc., donc on y revient, mais c'est quand même devenu une norme, et on a normalisé effectivement le BTP par rapport à ça. Donc ça déjà, c'est quand même un problème en soi. Ensuite, effectivement, il faut aussi se poser des questions de l'impact sociétal d'une nouvelle filière de recyclage qui peuvent déstabiliser déjà tout un système en place et faire plus de mal que de bien dans un autre domaine que l'environnement directement ou des problématiques de ressources, qui est effectivement le fait de mettre à mal des entreprises qui existent déjà. Donc il faut aussi que ces entreprises soient à même de pouvoir s'accaparer ces nouveaux matériaux, ces nouvelles technologies, pour se recycler elles-mêmes en termes d'activité. Donc il ne faut pas travailler en silo, il faut travailler en écosystème, et faire en sorte que tout le monde s'y mette, y compris ceux qui étaient sur les technologies dont on veut sortir. Qu'a connu Taline ? Oui, par rapport à la réglementation sur les produits de construction, alors elle évolue avec le temps. Là, d'ailleurs, elle s'ouvre à de nouveaux matériaux et même aux recyclés. Il y a quelques années, ça fait 15 ans que je travaille en normalisation, notamment sur ce type de produits. Quelques années, l'intégration de recyclés, c'était juste pas possible. Aujourd'hui, pas possible pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire pour les raisons de durabilité, purement technique. C'est-à-dire que sur un produit qu'on doit utiliser sur une centaine d'années, on va se dire non, on va pas utiliser de recyclés, sinon on va réduire sa durée de vie, tout simplement. Oui. Aujourd'hui, on a des qualités de matière recyclée qui permettent justement d'atteindre les mêmes performances qu'une matière vierge, voilà, non recyclée. Donc, on peut se permettre de le faire. Donc, la réglementation s'ouvre justement à ces nouveaux produits. Par contre, il faut standardiser. Et c'est ça le problème. La problématique, c'est la standardisation. On a du mal à standardiser ce type de produits qui apparaissent comme ça. Hein, voilà. Dans des start-up, one-shot, c'est très compliqué. Et puis, il y a la question de sécurité aussi qu'il faut prendre en compte. Dans la construction, c'est un élément qui est très important. Oui, évidemment. Si on passe maintenant avec vous, Xavier Pie, à cette question de valorisation énergétique, vous en avez touché quelques mots tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de déplier un peu cette question, parce que c'est assez passionnant. Quand on pense évidemment recyclage, on pense bien transformation d'usage, on peut penser à réemploi, et on oublie qu'une partie de la valorisation peut se faire en matière énergétique, et qu'une façon de valoriser des déchets, c'est d'en récupérer l'énergie intrinsèque ou de récupérer de l'énergie de transformation pour la transférer ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cette histoire de céramique à très haute température sur lesquelles vous travaillez? Qu'est-ce que c'est exactement et comment c'est réemployé? Alors, d'accord. Donc, alors ces céramiques industrielles, ça fonctionne un petit peu comme les briques qu'on utilisait autrefois à l'époque des poêles dans les maisons où on chauffait les maisons avec des poêles. Et puis, bon, avant d'aller dans son lit, on chauffait une brique et on la mettait dans son lit. Voilà. Donc, les céramiques industrielles de stockage, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a des centaines de milliers de tonnes, des dizaines de milliers de tonnes de céramique dans une grande cuve. Et puis, avec une certaine porosité entre ces briques, et puis on va faire passer de l'air chaud, par exemple, pour les charger en chaleur jusqu'à, mettons, 1000 degrés. Et quand on a besoin de cette chaleur, on va faire passer un air plus froid et puis qui va se charger en chaleur et on va pouvoir récupérer cette chaleur. Donc, schématiquement, c'est ça, avec différents flux de transfert. Donc, alors c'est utilisé depuis très longtemps par l'homme, d'ailleurs depuis le paléolithique, on pourrait revenir là-dessus, c'est assez intéressant dans les pyrotechnologies. Et aujourd'hui il y a d'autres enjeux comme effectivement les chaleurs fatales industrielles. Il faut savoir que donc il y a la chaleur dans l'industrie, c'est 2/3 des besoins en énergie. Au-dessus de 400 degrés, c'est surtout des énergies fossiles qui sont utilisées. En France, la chaleur c'est 50% de l'énergie consommée. Et donc, si on regarde toutes les chaleurs perdues dans l'industrie aujourd'hui, ça représente quasiment l'équivalent de la consommation électrique pour faire de la chaleur dans le résidentiel en France en 2019, 60 TWh. Donc, on passe à côté, effectivement, d'un volume considérable de chaleur dans les fumées des cheminées, en gros, de l'industrie, qui nous permettrait d'éviter effectivement de consommer du fuel, du gaz ou même de l'électricité et fermer quelques centrales thermiques. Voilà. Ces stockages haute température jusqu'à 1000 degrés, ça permet de répondre à ça. Ça permet aussi de résoudre le problème effectivement du développement des énergies renouvelables qui est nécessaire, mais on estime qu'à peu près jusqu'à 30% d'énergie renouvelable sur le réseau électrique, ça se passe à peu près bien, mais de par leur variabilité et leur intermittence, au-delà, on risque de déstabiliser les réseaux électriques. Et donc, une solution, c'est lorsqu'on a trop d'énergie renouvelable sur le réseau, alors qu'on n'a pas besoin de trop d'électricité, comme la nuit, par exemple, éventuellement, on va transformer cette électricité en surplus en chaleur haute température, par exemple, ou en hydrogène ou autre chose, pour que, au moment de plus forte demande, on puisse les fournir au réseau. Et là aussi, on a besoin de différentes technologies de stockage, et notamment stockage haute température. Et puis, il y a tout le volet de décarbonation de l'industrie, qui est un volet complètement émergent, qui consiste dans la stratégie zéro carbone pour 2050, de faire en sorte que globalement, dans l'ensemble de l'industrie, on électrifie quelque part l'industrie et qu'on arrête de consommer des énergies fossiles. Et là aussi, l'idée, c'est d'utiliser les surplus d'électricité qu'on a sur le réseau aux heures creuses pour fabriquer, la transformer en chaleur donc haute température pour l'industrie, et qu'au moment où cette industrie a besoin de chaleur haute température, elle vienne la récupérer dans ce stockage plutôt que consommer soit de l'élec, soit du fioul, soit du gaz. Pour monter en température. Alors, deux questions rapides, dont une qui va vous paraître peut-être très bête, Xavier Pie, mais cette chaleur haute température, on m'a toujours appris que la chaleur, ça se dissipait et que ça se dissipait assez rapidement. Elle est plus facile à conserver puisque, tel que vous le décrivez, finalement, elle peut quasiment servir de stockage d'énergie comme et remplacer des batteries, quoi. Oui, alors c'est des batteries thermiques, hein, mais alors c'est là où il y a un avantage énorme du volume considéré, c'est que en fait un stockage industriel, c'est une cuve qui fait 15-20 mètres de diamètre sur 12 mètres de haut, et donc la surface de cette cuve par rapport à son volume est faible, comme pour un éléphant d'ailleurs. Un éléphant, c'est un animal à son chaud, et il a au niveau de ses oreilles tout un réseau donc sanguin, qui pour ça qu'il ventile avec ses oreilles pour refroidir son corps. Parce que donc un animal qui effectivement est aussi massif qu'un éléphant a du mal à dégager sa chaleur corporelle. Il en est de même pour un stockage donc industriel, c'est un volume qui a une surface d'échange avec l'environnement qui est faible, et donc les pertes thermiques finalement sont assez faibles comparées aux ballons d'eau chaude sanitaire qu'on peut avoir chez nous par exemple. Voilà, donc finalement le rendement aujourd'hui d'un stockage thermique aux températures industrielles est autour de 97 ou 98%. C'est un très bon rendement. Ah oui, effectivement. Il y a très peu de pertes, tout à fait. Kakonaïdaïl, un mot peut-être justement sur cette transformation et cette valorisation thermique qui est extrêmement importante, parce que là on parle des céramiques haute température, mais il y a d'autres façons de valoriser énergétiquement les déchets. Oui, alors la valorisation énergétique, on a tendance à l'oublier. Alors, si on ne peut pas recycler certains matériaux, il y a la possibilité de les valoriser énergétiquement, alors en les brûlant, hein, généralement. Donc, ce sont par exemple les combustibles solides de récupération, qui sont les matières organiques que l'on retrouve dans nos déchets, donc les plastiques, le bois, le carton, qui vont être utilisés pour être brûlés, créer de l'énergie, parce qu'ils ont une capacité calorifique importante, et donc ils vont venir remplacer les énergies fossiles qui sont utilisées habituellement dans l'industrie. Donc ça, c'est une manière de faire. Il y a d'autres procédés comme la pyrolyse qui va permettre de récupérer de la chaleur, mais aussi de créer du carburant, de produire du carburant. Mmh. Il y a pas mal de procédés. Et c'est vrai qu'on a la méthanisation aussi, on oublie souvent. Hein, des déchets organiques. Qui permet justement de créer de l'énergie à partir de déchets organiques. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette valorisation. On a tendance à penser qu'elle est polluante, alors qu'en fait, elle l'est pas et elle permet... Elle est pas tant que ça. Quel que soit le procédé, de toute façon, il y aura des impacts. Hein. Mais elle n'est pas tant que ça, et elle a quand même un intérêt dans certains cas pour justement économiser de l'énergie issue du fossile, notamment. Xavier Pi, un mot pour conclure justement sur cette valorisation énergétique. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'elle est suffisamment développée en France, qu'il reste encore des efforts à faire, que, eh bien, vous parlez des céramiques à haute température, mais qu'il y a d'autres voies de valorisation énergétique qui restent à développer? Oui, alors tout à fait. Alors, bon, certains déchets comme les pales d'éoliennes, hein, par exemple, hein, premières générations donc de fermes éoliennes sont démantelées aujourd'hui, et on sait tout recycler sur une éolienne sauf les pales, et donc on peut les valoriser sur le plan énergétique en les brûlant, en gros. Donc nous, ce qu'on propose, on y travaille dessus depuis peu, hein, depuis 2-3 ans, c'est d'essayer de les transformer chimiquement pour en faire des céramiques vraiment high-tech, hein, des carbures au silicium notamment. Une des problématiques dont on n'a pas parlé, c'est le problème de filière industrielle. C'est-à-dire que trouver une solution de valorisation, c'est bien, c'est intéressant. Après, quelquefois, on n'a pas toujours les industries qui sont en place pour le réaliser industriellement et à forte. Donc nous, dans notre cas, on a de la chance. Des anciens doctorants que j'ai eus ont créé Ecotech Ceram, qui est une start-up depuis 14 ans, qui justement est dans la valorisation de chaleur fatale industrielle avec des solutions mobiles de stockage haute température. Où ils recyclent déjà d'ailleurs des containers qui servent d'enveloppe, et à terme ils ont des céramiques recyclées. Mais voilà, le problème c'est qu'on a aussi besoin de créer de nouvelles industries. Oui, c'est entendu. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Kakonaïdaïl, merci Xavier Pi, merci Jotanous. C'était Adrien Roch aujourd'hui Jordan Fuentes à la technique, et la méthode scientifique. C'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.